L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricou pour audiocité.net. Chapitre 13. Eh bien, monsieur Cyrus, par où allons-nous commencer ? Demanda le lendemain matin Pencroff à l'ingénieur. Par le commencement, répondit Cyrus Smith. Et, en effet, c'était bien par le commencement que ces colons allaient être forcés de débuter. Ils ne possédaient même pas les outils nécessaires à faire les outils, et ils ne se trouvaient même pas dans les conditions de la nature qui, ayant le temps, économise l'effort. Le temps leur manquait, puisqu'ils devaient immédiatement subvenir aux besoins de leur existence, et si, profitant de l'expérience acquise, ils n'avaient rien à inventer, du moins avaient-ils tout à fabriquer. Leur fer, leur acier, n'étaient encore qu'à l'état de minerai, leur poterie à l'état d'argile, leur linge et leurs habits à l'état de matière textile. Il faut dire, d'ailleurs, que ces colons étaient des hommes, dans la belle et puissante acception du mot. L'ingénieur Smith ne pouvait être secondé par de plus intelligents compagnons, ni avec plus de dévouement et de zèle. Il les avait interrogés. Il connaissait leurs aptitudes. Gédéon Spilett, reporter de grand talent, ayant tout appris pour pouvoir parler de tout, devait contribuer largement de la tête et de la main à la colonisation de l'île. Il ne reculerait devant aucune tâche. Et, chasseur passionné, il ferait un métier de ce qui, jusqu'alors, n'avait été pour lui qu'un plaisir. Harbert, brave enfant, remarquablement instruit déjà par les sciences naturelles, allait fournir un appoint sérieux à la cause commune. Nab, c'était le dévouement personnifié, adroit, intelligent, infatigable, robuste, d'une santé de fer. Il s'entendait quelque peu au travail de la forge et ne pouvait qu'être très utile à la colonie. Quant à Pencroff, il avait été marin sur tous les océans, charpentier dans les chantiers de construction de Brooklyn, aide-tailleur sur les bâtiments de l'État, jardinier, cultivateur pendant ses congés, etc. Et comme les gens de mer, propres à tout, il savait tout faire. Il eût été véritablement difficile de réunir 5 hommes plus propres à lutter contre le sort, plus assurés d'en triompher. Par le commencement, avait dit Cyrus Smith. Or, ce commencement dont parlait l'ingénieur, c'était la construction d'un appareil qui pût servir à transformer les substances naturelles. On sait le rôle que joue la chaleur dans ces transformations. Or, le combustible, bois ou charbon de terre, était immédiatement utilisable. Il s'agissait donc de bâtir un four pour l'utiliser. « À quoi servira ce four ?» demanda Pencroff. « À fabriquer la poterie dont nous avons besoin, » répondit Cyrus Smith. « Et avec quoi ferons-nous le four ?»« Avec des briques. » « Et les briques ?»« Avec de l'argile. » »« En route, mes amis. » Pour éviter les transports, nous établirons notre atelier au lieu même de production. Nab apportera des provisions, et le feu ne manquera pas pour la cuisson des aliments. Non, répondit le reporter, mais si les aliments viennent à manquer, faute d'instruments de chasse... Ah, si nous avions seulement un couteau, s'écria le marin. Eh bien, demanda Cyrus Smith. Eh bien, j'aurais vite fait de fabriquer un arc et des flèches. Et le gibier abonderait à l'office. Oui, un couteau, une lame tranchante, dit l'ingénieur, comme s'il se fût parlé à lui-même. En ce moment, ses regards se portèrent vers Top, qui allait et venait sur le rivage. Soudain, le regard de Cyrus Smith s'anima. Top, ici, dit-il. Le chien accourut à l'appel de son maître. Celui-ci prit la tête de Top entre ses mains, et détachant le collier que l'animal portait au cou, il le rompit en deux parties en disant « Voilà deux couteaux, Pencroff !» Deux hurrahs du marin lui répondirent. Le collier de Top était fait d'une mince lame d'acier trempé. Il suffisait donc de l'affûter, d'abord sur une pierre de grès, de manière à mettre au vif l'angle du tranchant, puis d'enlever le morfil sur un grès plus fin. Or, ce genre de roches arénacées se rencontrait abondamment sur la grève, et 2 heures après, l'outillage de la colonie se composait de 2 lames tranchantes qu'il avait été facile d'emmancher dans une poignée solide. La conquête de ce premier outil fut saluée comme un triomphe. Conquête précieuse, en effet, et qui venait à propos. On partit. L'intention de Cyrus Smith était de retourner à la rive occidentale du lac, là où il avait remarqué la veille cette terre argileuse dont il possédait un échantillon. On prit donc par la berge de la Mercy, on traversa le plateau de Grande Vue, et après une marche de 5 000 au plus, on arrivait à une clairière située à 200 pas du lac Grant. Chemin faisant, Harbert avait découvert un arbre dont les Indiens de l'Amérique méridionale emploient les branches à fabriquer leurs arcs. C'était le Crejimba, de la famille des palmiers, qui ne porte pas de fruits comestibles. Des branches longues et droites furent coupées, effeuillées, taillées, plus fortes en leur milieu, plus faibles à leurs extrémités, et il n'y avait plus qu'à trouver une plante propre à former la corde de l'arc. Ce fut une espèce appartenant à la famille des Malvacées, un Hibiscus hétérophyllus, qui fournit des fibres d'une ténacité remarquable qu'on eût pu comparer à des tendons d'animaux. Pencroff obtint ainsi des arcs d'une assez grande puissance, auxquels il ne manquait plus que les flèches. Celles-ci étaient faciles à faire avec des branches droites et rigides, sans nodosité, mais la pointe qui devait les armer, c'est-à-dire une substance propre à remplacer le fer, ne devait pas se rencontrer si aisément. Mais Pencroff se dit qu'ayant fourni, lui, sa part dans le travail, le hasard ferait le reste. Les colons étaient arrivés sur le terrain reconnu la veille. Il se composait de cette argile figuline qui sert à confectionner les briques et les tuiles, argile par conséquent très convenable pour l'opération qu'il s'agissait de mener à bien. La main-d'œuvre ne présentait aucune difficulté. Il suffisait de dégraisser cette figuline avec du sable, de mouler les briques et de les cuire à la chaleur d'un feu de bois. Ordinairement, les briques sont tassées dans des moules, mais l'ingénieur se contenta de les fabriquer à la main. Toute la journée et la suivante furent employées à ce travail. L'argile, imbibée d'eau, corroyé ensuite avec les pieds et les poignets des manipulateurs, fut divisé en prismes d'égale grandeur. Un ouvrier, exercé, peut confectionner sans machine jusqu'à 10 000 briques par 12 heures. Mais dans leurs 2 journées de travail, les 5 briquetiers de l'île Lincoln n'en fabriquèrent pas plus de 3 000, qui furent rangées les unes près des autres, jusqu'au moment où leur complète dessiccation permettrait d'en opérer la cuisson, c'est-à-dire dans 3 ou 4 jours. Ce fut dans la journée du 2 avril que Cyrus Smith s'occupa de fixer l'orientation de l'île. La veille, il avait noté exactement l'heure à laquelle le soleil avait disparu sous l'horizon, en tenant compte de la réfraction. Ce matin-là, il releva non moins exactement l'heure à laquelle il reparut. Entre se coucher et se lever, 12 heures moins 24 minutes s'étaient écoulées. Donc, 6 heures 12 minutes après son lever, le soleil, ce jour-là, passerait exactement au méridien, et le point du ciel qu'il occuperait à ce moment serait le nord. À l'heure dite, Cyrus releva ce point, et en mettant l'un par l'autre avec le soleil 2 arbres qui devaient lui servir de repère, il obtint ainsi une méridienne invariable pour ses opérations ultérieures. Pendant les 2 jours qui précédèrent la cuisson des briques, on s'occupa de s'approvisionner de combustible. Des branches furent coupées autour de la clairière, et l'on ramassa tout le bois tombé sous les arbres. Cela ne se fit pas sans que l'on chassât un peu dans les environs, d'autant mieux que Pencroff possédait maintenant quelques douzaines de flèches, armées de pointes très acérées. C'était Top qui avait fourni ces pointes, en rapportant un porc-épic, assez médiocre comme gibier, mais d'une incontestable valeur grâce aux piquants dont il était hérissé. Ces piquants furent ajustés solidement à l'extrémité des flèches, dont la direction fut assurée par un empennage de plumes de cacatoès. Le reporter et Harbert devinrent promptement de très adroits tireurs d'arc. Aussi, le gibier de poils et de plumes abonda-t-il aux cheminées, cabiais, pigeons, agoutis, coqs de bruyère, etc. La plupart de ces animaux furent tués dans la partie de la forêt située sur la rive gauche de la Mercy, et à laquelle on donna le nom de « Bois du Jacamar », en souvenir du volatile que Pencroff et Harbert avaient poursuivi lors de leur première exploration. Ce gibier fut mangé frais, mais on conserva les jambons de cabiaille, en les fumant au-dessus d'un feu de bois vert, après les avoir aromatisés avec des feuilles odorantes. Cependant, cette nourriture très fortifiante, c'était toujours rôti sur rôti, et les convives eussent été heureux d'entendre chanter dans l'âtre un simple pot-au-feu. Mais il fallait attendre que le pot fût fabriqué, et par conséquent que le four fût bâti. Pendant ces excursions, qui ne se firent que dans un rayon très restreint autour de la briqueterie, les chasseurs purent constater le passage récent d'animaux de grande taille, armés de griffes puissantes, dont ils ne purent reconnaître l'espèce. Cyrus Smith leur recommanda donc une prudence extrême, car il était probable que la forêt renfermait quelques fauves dangereux. Et il fit bien. En effet, Gédéon Spilett et Harbert aperçurent un jour un animal qui ressemblait à un jaguar. Ce fauve, heureusement, ne les attaqua pas, car il ne s'en serait peut-être pas tiré sans quelque grave blessure. Mais dès qu'il aurait une arme sérieuse, c'est-à-dire un de ces fusils que réclamait Pencroff, Gédéon Spilett se promettait bien de faire aux bêtes féroces une guerre acharnée et d'en purger l'île. Les cheminées, pendant ces quelques jours, ne furent pas aménagées plus confortablement, car l'ingénieur comptait découvrir, ou bâtir, s'il le fallait, une demeure plus convenable. On se contenta d'étendre sur le sable des couloirs une fraîche litière de mousse et de feuilles sèches, et, sur ces couchettes un peu primitives, les travailleurs, harassés, dormaient d'un parfait sommeil. On fit aussi le relevé des jours écoulés dans l'île Lincoln, depuis que les colons y avaient atterri, et l'on en tint, depuis lors, un compte régulier. Le 5 avril, qui était un mercredi, il y avait 12 jours que le vent avait jeté les naufragés sur ce littoral. Le 6 avril, dès l'aube, l'ingénieur et ses compagnons étaient réunis sur la clairière, à l'endroit où allait s'opérer la cuisson des briques. Naturellement, cette opération devait se faire en plein air, et non dans des fours, ou plutôt, l'agglomération des briques ne ferait qu'un énorme four qui se cuirait lui-même. Le combustible, fait de fascines bien préparées, fut disposé sur le sol, et on l'entoura de plusieurs rangs de briques séchées, qui formèrent bientôt un gros cube, à l'extérieur duquel des évents furent ménagés. Ce travail dura toute la journée, et le soir seulement, on mit le feu aux fascines. Cette nuit-là, personne ne se coucha, et on veilla avec soin à ce que le feu ne se ralentît pas. L'opération dura 48 heures et réussit parfaitement. Il fallut alors laisser refroidir la masse fumante, et pendant ce temps, Nab et Pencroff, guidés par Cyrus Smith, charrièrent sur une claie faite de branchages entrelacés plusieurs charges de carbonate de chaux, pierre très commune, qui se trouvait abondamment au nord du lac. Ces pierres, décomposées par la chaleur, donnèrent une chaux vive, très grasse, foisonnant beaucoup par l'extinction, aussi pure enfin que si elle eût été produite par la calcination de la craie ou du marbre. Mélangée avec du sable, dont l'effet est d'atténuer le retrait de la pâte quand elle se solidifie, cette choux fournit un mortier excellent. De ces divers travaux, il résulta que, le 9 avril, l'ingénieur avait à sa disposition une certaine quantité de choux toute préparée et quelques milliers de briques. On commença donc sans perdre un instant la construction d'un four qui devait servir à la cuisson des diverses poteries indispensables pour les usages domestiques. On y réussit sans trop de difficultés. 5 jours après, le four fut chargé de cette houille dont l'ingénieur avait découvert un gisement à ciel ouvert vers l'embouchure du Creek Rouge, et les premières fumées s'échappaient d'une cheminée haute d'une 20aine de pieds. La clairière était transformée en usine, et Pencroff n'était pas éloigné de croire que ce four allait sortir tous les produits de l'industrie moderne. En attendant, ce que les colons fabriquèrent tout d'abord, ce fut une poterie commune, mais très propre à la cuisson des aliments. La matière première était cette argile même du sol, à laquelle Cyrus Smith fit ajouter un peu de chaux et du quartz. En réalité, cette pâte constituait ainsi la véritable terre de pipe avec laquelle on fit des pots, des tasses qui avaient été moulées sur des galets de forme convenable, des assiettes, de grandes jarres et des cuves pour contenir l'eau, etc. La forme de ces objets était gauche, défectueuse, mais après qu'ils eurent été cuits à une haute température, la cuisine des cheminées se trouva pourvue d'un certain nombre d'ustensiles, aussi précieux que si le plus beau kaolin fût entré dans leur composition. Il faut mentionner ici que Pencroff, désireux de savoir si cette argile, ainsi préparée, justifiait son nom de terre de pipe, se fabriqua quelques pipes assez grossières, qu'il trouva charmantes, mais auxquelles le tabac manquait hélas. Et, il faut le dire, c'était une grosse privation pour Pencroff. « Mais le tabac viendra, comme toute chose, » répétait-il dans ses élans de confiance absolue. Ses travaux durèrent jusqu'au 15 avril, et on comprend que ce temps fut consciencieusement employé. Les colons, devenus potiers, ne firent pas autre chose que de la poterie. Quand il conviendrait à Cyrus Smith de les changer en forgerons, ils seraient forgerons. Mais le lendemain était un dimanche, et même le dimanche de Pâques, tous convinrent de sanctifier ce jour par le repos. Ces Américains étaient des hommes religieux, scrupuleux observateurs des préceptes de la Bible, et la situation qui leur était faite ne pouvait que développer leur sentiment de confiance envers l'auteur de toutes choses. Le soir du 15 avril, on revint donc définitivement aux cheminées. Le reste des poteries fut emporté, et le four s'éteignit en attendant une destination nouvelle. Le retour fut marqué par un incident heureux, la découverte que fit l'ingénieur d'une substance propre à remplacer l'amadou. On sait que cette chair spongieuse et veloutée provient d'un certain champignon du genre polypore. Convenablement préparée, elle est extrêmement inflammable, surtout quand elle a été préalablement saturée de poudre à canon ou bouillie dans une dissolution de nitrate ou de chlorate de potasse. Mais jusqu'alors, on n'avait trouvé aucun de ces polypores, ni même aucune de ces morilles qui peuvent les remplacer. Ce jour-là, l'ingénieur ayant reconnu une certaine plante appartenant au genre armoise, qui compte parmi ses principales espèces l'absinthe, la citronnelle, l'estragon, le gépi, etc., en arracha plusieurs touffes et les présentant au marin. « Tenez, Pencroff, dit-il, voilà qui vous fera plaisir. » Pencroff regarda attentivement la plante, revêtue de poils soyeux et longs, dont les feuilles étaient recouvertes d'un duvet cotonneux. « Eh, qu'est-ce cela, monsieur Cyrus ? » demanda Pencroff. « Bonté du ciel, est-ce du tabac ?»« Non, répondit Cyrus Smith, c'est l'artemise, l'armoise chinoise pour les savants, et pour nous autres, ce sera de l'amadou. » Et, en effet, cette armoise, convenablement desséchée, fournit une substance très inflammable, surtout lorsque plus tard, l'ingénieur l'eut imprégnée de ce nitrate de potasse, dont l'île possédait plusieurs couches, et qui n'est autre chose que du salpêtre. Ce soir-là, tous les colons, réunis dans la chambre centrale, soupèrent convenablement. Nab avait préparé un pot-au-feu d'agouti, un jambon de cabiaille aromatisé, auquel on joignit les tubercules bouillis du Caladium macrorhizum, sorte de plante herbacée de la famille des Aracées, et qui, sous la zone tropicale, eût affecté une forme arborescente. Ces rhizomes étaient d'un excellent goût, très nutritif, à peu près semblables à cette substance qui se débite en Angleterre sous le nom de sagou de Portland, et ils pouvaient dans une certaine mesure remplacer le pain qui manquait encore aux colons de l'île Lincoln. Le souper achevé, avant de se livrer au sommeil, Cyrus Smith et ses compagnons vinrent prendre l'air sur la grève. Il était 8 heures du soir. La nuit s'annonçait magnifiquement. La lune, qui avait été pleine 5 jours auparavant, n'était pas encore levée, mais l'horizon s'argentait déjà de ces nuances douces et pâles que l'on pourrait appeler l'aube lunaire. Au zénith austral, les constellations circumpolaires resplendissaient, et parmi toutes cette croix du sud que l'ingénieur, quelques jours auparavant, saluait à la cime du mont Franklin. Cyrus Smith observa pendant quelque temps cette splendide constellation qui porte à son sommet et à sa base 2 étoiles de première grandeur, au bras gauche une étoile de seconde, au bras droit une étoile de 3e grandeur. Puis, après avoir réfléchi, « Harbert, demanda-t-il au jeune garçon, ne sommes-nous pas au 15 avril ?»« Oui, monsieur Cyrus, répondit Harbert. » « Eh bien, si je ne me trompe, demain sera un des 4 jours de l'année pour lequel le temps vrai se confond avec le temps moyen. C'est-à-dire, mon enfant, que demain, à quelques secondes près, le soleil passera au méridien juste au midi des horloges. Si donc le temps est beau, je pense que je pourrai obtenir la longitude de l'île avec une approximation de quelques degrés. » « Sans instrument, sans sextant ?» demanda Gédéon Spilett. « Oui, reprit l'ingénieur. Aussi, puisque la nuit est pure, je vais essayer ce soir même d'obtenir notre latitude en calculant la hauteur de la croix du sud, c'est-à-dire du pôle austral au-dessus de l'horizon. Vous comprenez bien, mes amis, qu'avant d'entreprendre des travaux sérieux d'installation, il ne suffit pas d'avoir constaté que cette terre est une île. Il faut, autant que possible, reconnaître à quelle distance elle est située, soit du continent américain, soit du continent australien, soit des principaux archipels du Pacifique. En effet, dit le reporter, au lieu de construire une maison, nous pouvons avoir intérêt à construire un bateau, si par hasard nous ne sommes qu'à 100 milles d'une côte habitée. Voilà pourquoi, reprit Cyrus Smith, je vais essayer ce soir d'obtenir la latitude de l'île Lincoln, et demain à midi, j'essaierai d'en calculer la longitude. Si l'ingénieur eût possédé un sextant, appareil qui permet de mesurer avec une grande précision la distance angulaire des objets par réflexion, l'opération n'eût offert aucune difficulté. Ce soir-là, par la hauteur du pôle, le lendemain, par le passage du soleil au méridien, il aurait obtenu les coordonnées de l'île. Mais l'appareil manquant, il fallait le suppléer. Cyrus Smith rentra donc aux cheminées. À la lueur du foyer, il tailla 2 petites règles plates qu'il réunit l'une à l'autre par une de leurs extrémités, de manière à former une sorte de compas dont les branches pouvaient s'écarter ou se rapprocher. Le point d'attache était fixé au moyen d'une forte épine d'acacia que fournit le bois mort du bûcher. Cet instrument terminé, l'ingénieur revint sur la grève. Mais comme il fallait qu'il prît la hauteur du pôle au-dessus d'un horizon nettement dessiné, c'est-à-dire un horizon de mer, et que le cap Griffe lui cachait l'horizon du sud, il dut aller chercher une station plus convenable. La meilleure aurait évidemment été le littoral exposé directement au sud, mais il eût fallu traverser la Mercy, alors profonde, et c'était une difficulté. Cyrus Smith résolut, en conséquence, d'aller faire son observation sur le plateau de Grande Vue, en se réservant de tenir compte de sa hauteur au-dessus du niveau de la mer, hauteur qu'il comptait calculer le lendemain par un simple procédé de géométrie élémentaire. Les colons se transportèrent donc sur le plateau, en remontant la rive gauche de la Mercy, et ils vinrent se placer sur la lisière qui s'orientait nord-ouest et sud-est, c'est-à-dire sur cette ligne de roches capricieusement découpées qui bordait la rivière. Cette partie du plateau dominait d'une cinquantaine de pieds les hauteurs de la rive droite, qui descendait par une double pente jusqu'à l'extrémité du cap Griffe et jusqu'à la côte méridionale de l'île. Aucun obstacle n'arrêtait donc le regard, qui embrassait l'horizon sur une demi-circonférence, depuis le cap jusqu'au promontoire du Reptile. Au sud, cet horizon éclairé par en dessous des premières clartés de la lune, tranchait vivement sur le ciel et pouvait être visé avec une certaine précision. À ce moment, la croix du sud se présentait à l'observateur dans une position renversée, l'étoile Alpha marquant sa base, qui est plus rapprochée du pôle austral. Cette constellation n'est pas située aussi près du pôle antarctique que l'étoile polaire l'est du pôle arctique. L'étoile Alpha en est à 27 degrés environ, mais Cyrus Smith le savait et devait tenir compte de cette distance dans son calcul. Il eut soin aussi de l'observer au moment où elle passait au méridien inférieur, ce qui devait rendre son observation plus facile. Cyrus Smith dirigea donc une branche de son compas de bois sur l'horizon de mer, l'autre sur Alpha, comme il eût fait des lunettes d'un cercle répétiteur, et l'ouverture des deux branches lui donna la distance angulaire qui séparait Alpha de l'horizon. Afin de fixer l'angle obtenu d'une manière immuable, il piqua, au moyen d'épines, les deux planchettes de son appareil sur une troisième placée transversalement, de telle sorte que leur écartement fût solidement maintenu. Cela fait, il ne restait plus qu'à calculer l'angle obtenu en ramenant l'observation au niveau de la mer, de manière à tenir compte de la dépression de l'horizon, ce qui nécessitait de mesurer la hauteur du plateau. La valeur de cet angle donnerait ainsi la hauteur d'alpha, et conséquemment celle du pôle au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire la latitude de l'île, puisque la latitude d'un point du globe est toujours égale à la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon de ce point. Ces calculs furent remis au lendemain, et, à 10 heures, tout le monde dormait profondément. Chapitre 14. Le lendemain, 16 avril, dimanche de Pâques, les colons sortaient des cheminées au jour naissant et procédaient au lavage de leur linge et au nettoyage de leurs vêtements. L'ingénieur comptait fabriquer du savon dès qu'il se serait procuré les matières premières nécessaires à la saponification, soude ou potasse, graisse ou huile. La question si importante du renouvellement de la garde-robe serait également traitée en temps et lieu. En tout cas, les habits dureraient bien 6 mois encore, car ils étaient solides et pouvaient résister aux fatigues des travaux manuels. Mais tout dépendrait de la situation de l'île par rapport aux terres habitées. C'est ce qui serait déterminé ce jour même, si le temps le permettait. Or, le soleil se levant sur un horizon pur annonçait une journée magnifique, une de ces belles journées d'automne qui sont comme les derniers adieux de la saison chaude. Il s'agissait donc de compléter les éléments des observations de la veille en mesurant la hauteur du plateau de Grande Vue au-dessus du niveau de la mer. Ne vous faut-il pas un instrument analogue à celui qui vous a servi hier ? Demanda Harbert à l'ingénieur. Non, mon enfant, répondit celui-ci. Nous allons procéder autrement, et d'une manière à peu près aussi précise. Harbert, aimant à s'instruire de toutes choses, suivit l'ingénieur qui s'écarta du pied de la muraille de granit en descendant jusqu'au bord de la grève. Pendant ce temps, Pencroff, Nab et le reporter s'occupaient de divers travaux. Cyrus Smith s'était muni d'une sorte de perche droite, longue d'une douzaine de pieds, qu'il avait mesurée aussi exactement que possible, en la comparant à sa propre taille, dont il connaissait la hauteur à une ligne près. Harbert portait un fil à plomb que lui avait remis Cyrus Smith, c'est-à-dire une simple pierre fixée au bout d'une fibre flexible. Arrivé à une vingtaine de pieds de la lisière de la grève, et à 500 pieds environ de la muraille de granit, qui se dressait perpendiculairement, Cyrus Smith enfonça la perche de deux pieds dans le sable, et, en la calant avec soin, il parvint au moyen du fil à plomb à la dresser perpendiculairement au plan de l'horizon. Cela fait, il se recula de la distance nécessaire pour que, étant couché sur le sable, le rayon visuel partit de son œil effleura à la fois et l'extrémité de la perche et la crête de la muraille. Puis il marqua soigneusement ce point avec un piquet. Alors, s'adressant à Harbert, « Tu connais les premiers principes de la géométrie ?» lui demanda-t-il. « Un peu, monsieur Cyrus, » répondit Harbert, qui ne voulait pas trop s'avancer. « Tu te rappelles bien quelles sont les propriétés de deux triangles semblables ?»« Oui, » répondit Harbert, « leurs côtés homologues sont proportionnels. Eh bien, mon enfant, je viens de construire deux triangles semblables. Tous deux rectangles, le premier le plus petit a pour côté la perche perpendiculaire, la distance qui sépare le piquet du bas de la perche, et mon rayon visuel pour hypoténuse. Le second a pour côté la muraille perpendiculaire, dont il s'agit de mesurer la hauteur, la distance qui sépare le piquet du bas de cette muraille, et mon rayon visuel formant également son hypoténuse, qui se trouve être la prolongation de celle du premier triangle. « Ah, monsieur Cyrus, j'ai compris !» s'écria Harbert. « De même que la distance du piquet à la perche est proportionnelle à la distance du piquet à la base de la muraille. De même, la hauteur de la perche est proportionnelle à la hauteur de la muraille. « C'est cela même, Harbert !» répondit l'ingénieur. « Et quand nous aurons mesuré les deux premières distances, connaissant la hauteur de la perche, nous n'aurons plus qu'un calcul de proportion à faire. » Ce qui nous donnera la hauteur de la muraille et nous évitera la peine de la mesurer directement. Les deux distances horizontales furent relevées. Au moyen même de la perche, dont la longueur au-dessus du sable était exactement de 10 pieds. La première distance était de 15 pieds entre le piquet et le point où la perche était enfoncée dans le sable. La deuxième distance, entre le piquet et la base de la muraille, était de 500 pieds. Ces mesures terminées, Cyrus Smith et le jeune garçon revinrent aux cheminées. Là, l'ingénieur prit une pierre plate qu'il avait rapportée de ses précédentes excursions, sorte de schiste ardoisier sur lequel il était facile de tracer des chiffres au moyen d'une coquille aiguë. Il établit donc la proportion suivante. 15 divisé par 500, ; 10 divisé par x, 500 fois 10 égale 5000, 5000 divisé par 15 égale 333,33. D'où il établit que la muraille de granit mesurait 333 pieds de hauteur. Le pied anglais vaut 30 cm, ce qui fait 100 mètres. Cyrus Smith reprit alors l'instrument qu'il avait fabriqué la veille et dont les deux planchettes par leur écartement lui donnaient la distance angulaire de l'étoile alpha à l'horizon. Il mesura très exactement l'ouverture de cet angle sur une circonférence qu'il divisa en 360 parties égales. Or, cet angle était de 10 degrés. Dès lors, la distance angulaire totale entre le pôle et l'horizon, en y ajoutant les 27 degrés qui séparent alpha du pôle antarctique, et en réduisant au niveau de la mer la hauteur du plateau sur lequel l'observation avait été faite, se trouva être de 37 degrés. Cyrus Smith en conclut donc que l'île Lincoln était située sur le 37e degré de latitude australe, où, en tenant compte, vu l'imperfection de ses opérations, d'un écart de 5 degrés, qu'elle devait être située entre le 35e et le 40e parallèle. Restait à obtenir la longitude, pour compléter les coordonnées de l'île. C'est ce que l'ingénieur tenterait de déterminer le jour même, à midi, c'est-à-dire au moment où le soleil passerait au méridien. Il fut décidé que ce dimanche serait employé à une promenade, ou plutôt à une exploration de cette partie de l'île située entre le nord du lac et le golfe du Requin, et si le temps le permettait, on pousserait cette reconnaissance jusqu'au revers septentrional du cap Mandibule Sud. On devait déjeuner aux dunes et ne revenir que le soir. À 8h30 du matin, la petite troupe suivait la lisière du canal. De l'autre côté, sur l'îlot du Salut, de nombreux oiseaux se promenaient gravement. C'étaient des plongeurs, de l'espèce des manchots, très reconnaissables à leurs cris désagréables, qui rappellent le braiement de l'âne. Pencroff ne les considéra qu'au point de vue comestible, et n'apprit pas sans une certaine satisfaction que leur chair, quoique noirâtre, est fort mangeable. On pouvait voir aussi ramper sur le sable de gros amphibies, des phoques sans doute, qui semblaient avoir choisi l'îlot pour refuge. Il n'était guère possible d'examiner ces animaux au point de vue alimentaire, car leur chair huileuse est détestable. Cependant, Cyrus Smith les observa avec attention, et sans faire connaître son idée, il annonça à ses compagnons que très prochainement on ferait une visite à l'îlot. Le rivage, suivi par les colons, était semé d'innombrables coquillages dont quelques-uns eussent fait la joie d'un amateur de malacologie. C'étaient, entre autres, des phasianelles, des térébratules, des trigonies, etc. Mais ce qui devait être plus utile, ce fut une vaste huîtrière, découverte à mer basse, que Nab signala parmi les roches, à 4000 environ des cheminées. Nab n'aura pas perdu sa journée, s'écria Pencroff, en observant le banc d'ostracées qui s'étendait au large. C'est une heureuse découverte, en effet, dit le reporter, et pour peu, comme on le prétend, que chaque huître produise chaque année de 50 à 60 000 œufs, nous aurons là une réserve inépuisable. Seulement, je crois que l'huître n'est pas très nourrissante, dit Harbert. Non, répondit Cyrus Smith. L'huître ne contient que très peu de matière azotée. Et, à un homme qui s'en nourrit exclusivement, il n'en faudrait pas moins de 15 à 16 douzaines par jour. Bon, répondit Pencroff, nous pourrons en avaler des douzaines de douzaines avant d'avoir épuisé le banc, si nous en prenions quelques-unes pour notre déjeuner. Et sans attendre de réponse à sa proposition, sachant bien qu'elle était approuvée d'avance, le marin et Nab détachèrent une certaine quantité de ces mollusques. On les mit dans une sorte de filet en fibre d'hibiscus que Nab avait confectionné et qui contenait déjà le menu du repas. Puis, l'on continua de remonter la côte entre les dunes et la mer. De temps en temps, Cyrus Smith consultait sa montre afin de se préparer à temps pour l'observation solaire qui devait être faite à midi précis. Toute cette portion de l'île était fort aride, jusqu'à cette pointe qui fermait la baie de l'Union et qui avait reçu le nom de Cap Mandibule Sud. On n'y voyait que sable et coquilles, mélangés de débris de lave. Quelques oiseaux de mer fréquentaient cette côte désolée, des goélands, de grands albatros, ainsi que des canards sauvages, qui excitèrent à bon droit la convoitise de Pencroff. Il essaya bien de les abattre à coups de flèche, mais sans résultat, car ils ne se posaient guère, et il eût fallu les atteindre au vol, ce qui amena le marin à répéter à l'ingénieur. « Voyez-vous, monsieur Cyrus, tant que nous n'aurons pas un ou deux fusils de chasse, notre matériel laissera à désirer. » « Sans doute, Pencroff, répondit le reporter, mais il ne tient qu'à vous. Procurez-vous du fer pour les canons, de l'acier pour les batteries, du salpêtre, du charbon et du soufre pour la poudre, du mercure et de l'acide azotique pour le fulminate, enfin du plomb pour les balles, et Cyrus nous fera des fusils de premier choix. » « Oh, répondit l'ingénieur, toutes ces substances, nous pourrons sans doute les trouver dans l'île. Mais une arme à feu est un instrument délicat et qui nécessite des outils d'une grande précision. Enfin, nous verrons plus tard. » « Pourquoi faut-il, s'écria Pencroff, pourquoi faut-il que nous ayons jeté par-dessus bord toutes ces armes que la nacelle emportait avec nous, et nos ustensiles, et jusqu'à nos couteaux de poche ? Mais si nous ne les avions pas jetés, Pencroff, c'est nous que le ballon aurait jeté au fond de la mer, dit Harbert. C'est pourtant vrai ce que vous dites là, mon garçon, répondit le marin. Puis, passant à une autre idée, « Mais j'y songe, ajouta-t-il, quel a dû être l'ahurissement de Jonathan Forster et de ses compagnons, quand le lendemain matin ils auront trouvé la place nette et la machine envolée ?»« Le dernier de mes soucis est de savoir ce qu'ils ont pu penser, » dit le reporter. « C'est pourtant moi qui ai eu cette idée-là, » dit Pencroff d'un air satisfait. « Une belle idée, Pencroff, » répondit Gédéon Spilett en riant, « et qui nous a mis où nous sommes. » « J'aime mieux être ici qu'aux mains des sudistes, » s'écria le marin, « surtout depuis que Monsieur Cyrus a eu la bonté de venir nous rejoindre. »« Et moi aussi, en vérité, » répliqua le reporter. « D'ailleurs, que nous manque-t-il ? » ? « Rien. »« Si ce n'est tout, » répondit Pencroff, qui éclata de rire, en remuant ses larges épaules. « Mais un jour ou l'autre, nous trouverons le moyen de nous en aller. » « Et plutôt peut-être que vous ne l'imaginez, mes amis, » dit alors l'ingénieur, « si l'île Lincoln n'est qu'à une moyenne distance d'un archipel habité ou d'un continent. » « Avant une heure, nous le saurons. Je n'ai pas de carte du Pacifique, mais ma mémoire a conservé un souvenir très net de sa portion méridionale. La latitude que j'ai obtenue hier met l'île Lincoln par le travers de la Nouvelle-Zélande à l'ouest. » et de la côte du Chili à l'est. Mais entre ces deux terres, la distance est au moins de 6 000 milles. Reste donc à déterminer quel point l'île occupe de ce large espace de mer, et c'est ce que la longitude nous donnera tout à l'heure, avec une approximation suffisante, je l'espère. « N'est-ce pas, demanda Harbert, l'archipel des Pomotou qui est le plus rapproché de nous en latitude ?» « Oui, répondit l'ingénieur, mais la distance qui nous en sépare est de plus de 1 200 000. » Et par là, dit Nab, qui suivait la conversation avec un extrême intérêt, et dont la main indiqua la direction du sud. « Par là, rien, » répondit Pencroff. « Rien, en effet, » ajouta l'ingénieur. « Eh bien, Cyrus, » demanda le reporter, « si l'île Lincoln ne se trouve qu'à 2 ou 3 000 de la Nouvelle-Zélande ou du Chili ?» « Eh bien, répondit l'ingénieur, au lieu de faire une maison, nous ferons un bateau, et maître Pencroff se chargera de le manœuvrer. »« Comment donc, monsieur Cyrus ? » s'écria le marin, « je suis tout prêt à passer capitaine. Dès que vous aurez trouvé le moyen de construire une embarcation suffisante pour tenir la mer. »« Nous le ferons si cela est nécessaire, » répondit Cyrus Smith. Mais tandis que causaient ces hommes, qui véritablement ne doutait de rien, l'heure approchait à laquelle l'observation devait avoir lieu. Comment s'y prendrait Cyrus Smith pour constater le passage du soleil au méridien de l'île sans aucun instrument? C'est ce que Harbert ne pouvait deviner. Les observateurs se trouvaient alors à une distance de 6 000 des cheminées, non loin de cette partie des dunes dans laquelle l'ingénieur avait été retrouvé après son énigmatique sauvetage. On fit halte en cet endroit et tout fut préparé pour le déjeuner, car il était 11h30. Harbert alla chercher de l'eau douce au ruisseau qui coulait près de là, et il la rapporta dans une cruche dont Nab s'était muni. Pendant ces préparatifs, Cyrus Smith disposa tout pour son observation astronomique. Il choisit sur la grève une place bien nette, que la mer en se retirant avait ciselée parfaitement. Cette couche de sable très fin était dressée comme une glace, sans qu'un grain dépassât l'autre. Peu importait d'ailleurs que cette couche fût horizontale ou non, et il n'importait pas davantage que la baguette, haute de 6 pieds qui y fut plantée, se dressa perpendiculairement. Au contraire même, l'ingénieur l'inclina vers le sud, c'est-à-dire du côté opposé au soleil, car il ne faut pas oublier que les colons de l'île Lincoln, par cela même que l'île était située dans l'hémisphère austral, voyaient l'astre radieux décrire son arc diurne au-dessus de l'horizon du nord, et non au-dessus de l'horizon du sud. Harbert comprit alors comment l'ingénieur allait procéder pour constater la culmination du soleil, c'est-à-dire son passage au méridien de l'île, ou, en d'autres termes, le midi du lieu. C'était au moyen de l'ombre projetée sur le sable par la baguette, moyen qui, à défaut d'instrument, lui donnerait une approximation convenable pour le résultat qu'il voulait obtenir. En effet, le moment où cette ombre atteindrait son minimum de longueur serait le midi précis, et il suffirait de suivre l'extrémité de cette ombre afin de reconnaître l'instant où, après avoir successivement diminué, elle recommencerait à s'allonger. En inclinant sa baguette du côté opposé au soleil, Cyrus Smith rendait l'ombre plus longue, et par conséquent, ses modifications seraient plus faciles à constater. En effet, plus l'aiguille d'un cadran est grande, plus on peut suivre aisément le déplacement de sa pointe. L'ombre de la baguette n'était pas autre chose que l'aiguille d'un cadran. Lorsqu'il pensa que le moment était arrivé, Cyrus Smith s'agenouilla sur le sable et, au moyen de petits jalons de bois qu'il fichait dans le sable, il commença à pointer les décroissances successives de l'ombre de la baguette. Ses compagnons, penchés au-dessus de lui, suivaient l'opération avec un intérêt extrême. Le reporter tenait son chronomètre à la main, prêt à relever l'heure qu'il marquerait quand l'ombre serait à son plus court. En outre, comme Cyrus Smith opérait le 16 avril, jour auquel le temps vrai et le temps moyen se confondent, l'heure donnée par Gédéon Spilett serait l'heure vraie, qu'il serait alors à Washington, ce qui simplifierait le calcul. Cependant, le soleil s'avançait lentement. L'ombre de la baguette diminuait peu à peu. Et quand il parut à Cyrus Smith qu'elle recommençait à grandir, « Quelle heure ? » dit-il. « 5h01, » répondit aussitôt Gédéon Spilett. Il n'y avait plus qu'à chiffrer l'opération. Rien n'était plus facile. Il existait, on le voit, en chiffres ronds, 5 heures de différence entre le méridien de Washington et celui de l'île Lincoln, c'est-à-dire qu'il était midi à l'île Lincoln, quand il était déjà 5 heures du soir à Washington. Or, le soleil, dans son mouvement apparent autour de la Terre, parcourt 1 degré par 4 minutes, soit 15 degrés par heure. 15 degrés multiplié par 5 heures donnait 75 degrés. Donc, puisque Washington est par 77 degrés, 3 minutes 11 secondes, autant dire 77 degrés comptés du méridien de Greenwich, que les Américains prennent pour point de départ des longitudes, concurremment avec les Anglais, il s'ensuivait que l'île était située par 77 degrés plus 75 degrés à l'ouest du méridien de Greenwich, c'est-à-dire par le 152e degré de longitude ouest. Cyrus Smith annonça ce résultat à ses compagnons, et tenant compte des erreurs d'observation, ainsi qu'il l'avait fait pour la latitude,